On nous a dit que Sparte avait pris les armes. Nous étions impatients de nous joindre à vous. Si ce que vous voulez, c'est du sang, vous êtes les bienvenus parmi nous. Mais tu n'as emmené que cette poignée de soldats pour combattre. J'avais tort d'espérer que Sparte ait autant de soldats que nous-mêmes en avons. Tu crois? Toi, là, quelle est ta profession? Eh bien, Poitiers, grand roi. Et toi? Quelle est ta profession? Moi, je suis sculpteur. Sculpteur. Et toi? Moi, je suis forgeron. Spartiate! Quelle est votre profession? Profession d'être cramé, je viens sur le petit fab. Carnage comme un psychopathe armé, entouré de plus difformes. La FIFA se ronge les ongles, je suis un fumeur de blues. Au moins, un tueur de plus, en frac, un bouffeur de bouche. Ma profession, ma gueule, pas faire dans la dentelle. Mettre ma queue dans le bout du rap, mais juste la bombe volontaire. Bon, arrive à croire les pisseuses, mon sang sèche trop leur mille. Tant je fais pas dans la berceuse, plutôt dans la sodomie. Ma profession, sorte de guerrier musical, n'hallucine pas là. Vaut mieux pas la ramener quand ils y parlent de pression. Y'a bien plus de cibailleurs dans la mâchoire, c'est l'agression qui vient de remplacer vos cigarios. Profession terroriste, anti-péto, char, anti-péto, ça jamais. Mon petit fait ton choix entre le vélo, le char d'assaut. J'amène la face à la grâce. J'suis là pour piétiner la prod comme on écrase une sale glace. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes. Quand Toulouse part en guerre, c'est Liège qui fournit les armes. On part pas dans l'optique d'épargner des armes. Déployez vos hommes, c'est l'heure de la dernière chance. Ici quand devant les troupes meurent, les guerriers derrière chantent. Oui. Refais profession, chirurgien pilote. Je vais pas dans le médical, entre ma main et le stylo. Y'a juste un cordon ombilical, au moins qu'une force de la nature. Une bombe dans le bitac, qu'à m'ouvrir la porte de la voiture ou j'explose dans l'habitacle. J'ai bien trop de profession, si dark les unes que les autres. Celles que je préfère, saigner les tracts, leur laisser que les os. La prod qui se perd de mon royaume n'aura pas le temps de brailler. Si je veux bouffer tes boyaux, ma fils pour mieux t'empailler. Je suis Mira, mi-cannibale, le miracle, si d'Adibale. Te montrerai comment faire le mal en restant admirable. Mira, perds un temps fou, écouter de la merde. Ne rap pas trop tes boules quand une paire de prothèses ma mère. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes. Armé jusqu'au gigot pour le combat, là si tu veux danser avec la mort, la mythe est dans le bon bal. Je suis ton cavalier, pas le temps de cavaler. Gravali va jusqu'au bout, prétends pas sucer l'un de nous sans avaler. Ma profession, quand toi tu te tapes une sec, monsieur. Donne-moi juste une cesse, monsieur. Et je reviendrai nourrir ton ulcère, c'est sûr. Autant le cri de guerrier vient de la colline. Chez nous un MC avant de devenir un bon meurtrier, devient alcoolique. Ma profession, faire brûler les crânes, faire trembler tes cannes, faire hurler les cartes. CRS, on joue en méga, impeccable et méga. Savent que personne n'égale, le jack dans un bain de C4. Les brebis qui s'égarent, seront fauchés. Ma profession, rester debout sans me coucher. Pour seule confession, j'irai te dire qu'un jour, oui, je l'ai touché. Cet instrumental qui faisait la belle, aujourd'hui n'est plus. Elle m'a trouvé, moi, pas la paix, donc un macabre de plus. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes. Rap pour mes soldats, n'attends pas que mon place périme. Arrêtez, c'est vouloir soigner le date avec de l'aspirine. Mon rap c'est un vol d'armes, suivi d'un bain de sang terrible. Ici personne pourra t'aider face à la puissance des rimes.